Gaviland, alors c'était enfin c'est un petit truc atmosphérique. J'avais enfin chopé une bière, c'est fort, pardon. On va se remettre en dos au cas où ils reviennent.